Salut Charline. Alors aujourd'hui, on reçoit Guillaume Erner. Chouette. Super. Voilà. Mais Alex, oui. C'est le présentateur de la matinale de France Culture quand même. Ouh là là, je vais te paumer. Quoi? Bah, un jour, j'écoutais France Culture. Et alors? Eh bah, j'étais à ça de l'AVC. Ah, bah ça, c'est pointu. Hein. Et pointu. Hein. D'ailleurs, j'aimerais qu'on trouve des sujets intéressants. Ok. Il y a les camps de migrants à Paris. Ah, bah très bien, très bien. D'ailleurs, Schopenhauer a dit l'humanité commence à Châtelet-Léal. Non. Non, il a pas dit. Mais ça fait bien de citer des gens connus. Ça fait France Culture. Oui, mais il l'a pas dit. Est-ce qu'on est certain qu'il l'a jamais dit? Ah, bah, bon, sujet 2. Il y a un article sur la déchéance de Macaulay Culkin. Voilà, ça, c'est très très bien. C'est l'enfant star. Ça, c'est parfait. Ça colle hyper bien avec le thème du bouquin de Guillaume Erner. Et d'ailleurs, personne n'a dit la jeunesse est un naufrage. Mais non. Non, ça, c'est Chateaubriand qui l'a dit. Oui, mais inspiré par personne. Oui, qui est né 100 ans après. Oui, c'est l'inverse. Parce que oui, c'est ça. Bon, Alex, tu sais quoi, le mieux, c'est que tu cites personne. Non, mais c'est vachement France Culture, les citations. Et puis les gens invoquent du feu. Ils osent pas dire après, ouais, c'est faux, il a jamais dit. Pas vrai. Il y a un article dans Libé sur les canulars pour piéger les intellos. Ah, voilà. Oui, t'inquiète pas, ça te concerne pas trop. Bon, on prend ça en sujet 3. Ok, mais comme le disait Jerzy Vizorek, le piège est parfois plus pernicieux pour celui qui le tend. C'est ça, oui. Ah oui, c'est qui Jerzy Vizorek? C'est mon arrière-grand-père. Ah, comme ça, vous pouvez pas vérifier s'il a dit ou pas. C'est cela, oui. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité comme un rôti. Et voici les trois informations qui finiront en rondelle à 18h. Paris accueillera des réfugiés. Avec ou sans le soutien de l'État, Anne Hidalgo a décidé d'installer un camp aux normes au sein de la capitale. Tout un symbole. Qu'en pense-t-on du côté des réfugiés parisiens? Mais c'est mignon chez vous. C'est plein sud? Sud-ouest. J'adore. Macaulay Culkin a pris sa retraite à 14 ans. En tant que produit d'Hollywood, il a très tôt atteint sa date de péremption. Il aurait pu durer s'il avait reçu une meilleure éducation, comme d'autres acteurs très précoces. Tu parles mal, tu travailles mal, tu grandis mal, mais tu ne me fais pas peur, Isabelle. Arrête de me faire rire, hein ? Parce que je l'aimais ! Le canular intellectuel consiste à publier un pastiche dans une revue très sérieuse sans que les responsables de la revue ne s'en aperçoivent. C'est ce qui est arrivé au philosophe Alain Badiou, entre autres. Quelques indices auraient quand même dû le mettre au parfum. Qu'est-ce qu'il y a, trois voix, un seul chapeau, deux chemises et quatre oreilles? Mais aucun problème. C'est le cow-boy de Tchernobyl. C'est ça la puissance intellectuelle. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui que tout le monde a réclamé à la pétanque des célébrités. Malheureusement, cette année, il n'y est pas allé, ça c'est su, dans l'écho de la pétanque. C'est Alex Vizorek. J'ai laissé la victoire à Jean-Pierre Castaldi, que je salue. Et autour de la table, une belle équipe. 17h20, l'homme dont on retient le jingle, mais pas toujours les mots qui suivent. Un peu comme dans toutes les émissions de Motus, Momo Motus, c'est Thomas, VVVDB. C'est bien moi, Thomas VDB. De quoi on parle? Eh bien, comme vous le savez, moi j'adore la marche. Je vais donc parler du nouveau mouvement lancé par Emmanuel Macron. Très bien, il n'y a plus de musique dans vos chroniques, ça c'est réglé. C'est 17h30. J'ai pas dit que j'allais pas chanter. Ah, celui qui traque les anomalies de ce monde, autant vous dire qu'il n'est pas prêt d'être au chômage technique, monsieur Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui j'ai trouvé une solution pour que les entreprises vendent moins cher leurs produits. Et oui, moins verser d'argent à leurs actionnaires, par exemple les marchands de voitures Nissan. L'idée est à soumettre. Vous allez la soumettre chez Nissan? Je ne le ferai pas directement. Mais non, parce que garder son emploi, c'est bien aussi. Et 17h40, elle suit avec attention Roland Garros en ce moment, et c'est bien, car avec la pluie, il se fait qu'elle n'avait jamais vu autant d'eau au même endroit. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour, eh bien moi je vais vous raconter le péople expliqué à ma grand-mère. Très bien. Celui qui a annulé sa sieste pour présider cette émission, écourté, est né sous De Gaulle. Vous publiez Victime de la mode aux éditions La Découverte en 2004. C'est l'année où Carla Bruni remporte une victoire de la musique. Vous devenez chroniqueur sur France Inter dans Éclectique. Grâce à Rebecca Manzoni. Exactement. En 2005, quand le titre Ma philosophie est chanté par Amel Bent. Et vous présentez Service public à partir de 2011, quand un grand service public nous est rendu par une certaine Nafissa Tou Diallo dans un grand hôtel de New York. Et vous, vous êtes... Mathilde Allier à France Culture? Oui, par exemple. Et d'ailleurs, vous n'avez pas salué la France Culture. Bonjour la France Culture. Bonjour Guillaume Erner. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Guillaume Erner qui présente la matinale de France Culture, et aujourd'hui on vous reçoit en tant que sociologue, auteur du livre La souveraineté. Moi je suis pas sociologue. People. Ah. Bah si. Ah bah non, vous êtes trompé. Alors sortez immédiatement. Vous êtes vendeur de fringues. C'est probablement pas une bonne invitation. Hein. D'accord. Donc non, ça, oui. J'ai été sociologue, j'ai arrêté. Voilà. Je voulais devenir comme vous, journaliste. Oui, mais vous. Alors attendez, parce qu'elle n'est pas journaliste non plus. Hein. non, ça n'a rien à voir. Bon, qui est qui dans ce là, autour de cette table. Posez ma première question parce qu'apparemment, vous avez été. On l'est toujours. Vous oui. Écrivez Guy Vernet. C'est comme le vélo. Quand vous écrivez la souveraineté du people, c'est l'œil du sociologue qui se penche sur cette question quand même, plus que le journaliste. Je vais pas être méchant. Mais bien sûr, c'est la méthodologie. Elle est là en tout cas. Et vous allez permettre de répondre à une question épineuse dans notre équipe. Ah. Qui m'oppose au garçon, Guillaume Herner, à la lumière de votre ouvrage, faut-il inviter Nabila dans notre émission? C'est une question épineuse. Tous les jours. Il faut l'inviter tous les jours. Et c'est un sociologue qui vous le dit. Tous les jours ou ne jamais l'inviter. C'est... D'abord parce que Nabila a eu, malgré tout, un événement important dans son existence. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, elle a été en couverture d'un livre chez Gallimard. Oui. Et par conséquent, ça a modifié, à mon avis, son rapport au monde et au livre. Elle a donc décidé d'en publier un, d'après ce que j'ai compris. Elle ne l'a pas écrit complètement seule. Ce livre existe désormais et je pense qu'il faut l'inviter, Nabila. Sérieusement ? Bah écoutez, c'est important ce que vous avez à dire, parce que c'est important. Question, vous nous expliquez que. Il m'a dit qu'il fallait que je réponde sérieusement aux questions. Oui. Vous nous expliquez que comme Paris Hilton est fondée entièrement sur du vide, donc c'est possible d'inviter du vide à l'antenne et de discuter avec le vide. C'est-à-dire, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que l'on retient de Paris Hilton ou ce que l'on retient de Nabila sont des choses insignifiantes. Ce qui ne signifie pas que ces personnes sont insignifiantes. Je ne les connais pas, donc j'imagine qu'elles ont une part d'humanité comme en chacun de nous, comme même chez Guillaume Meurice. Bon, on peut trouver une part d'humanité et donc on peut trouver chez Nabila probablement des choses intéressantes, probablement pas ce qu'elle a avant tout médiatisé et popularisé. Juliette Arnaud. Non, mais il y a une chose de très intéressante, c'est quand on met Nabila en couverture d'un livre, on a des chances pour que les gens s'arrêtent plus facilement auprès des piles de livres à la Fnac. Ça c'est vous prouvé. Auriez dû la mettre nue parce que là elle est beaucoup trop abîmée. En fait, elle est mise en abîme puisqu'elle prend un selfie d'elle-même et donc elle incarne assez bien le narcissisme contemporain et elle incarne assez bien quelqu'un qui a réussi à faire carrière sur sa seule célébrité, puisqu'en fait c'est ça qui est intéressant. Ce ne sont pas en fait des gens qui deviennent célèbres pour différentes raisons. Vous avez cité Nafissatou Diallo. Notre Nabila, elle a réussi à être célèbre à partir de rien. Et elle représente en fait un type pur du people, elle représente un type pur de la célébrité qui devient en quelque sorte emblème, symbole, facteur de mimétisme pour toute une série de quelqu'un comme Kiki de Montparnasse à l'époque, qui a à l'époque inspiré les plus grands peintres. Égérie. Est-ce qu'on peut pas, à ce moment-ci, parce que Paris Hilton a été reprise par... Alors, qui est le Picasso de Nabila? Zaya a été reprise par Pierre Egide. C'est aussi, ça. Par Warhol aurait pu choisir Nabila pour la mettre sur ses tableaux. Jean-Paul Gaultier a fait défiler Nabila. Oui, alors vous avez raison. Et justement, le fait que Warhol ait pu choisir Nabila, comme Warhol est quelqu'un qui n'a cessé de réfléchir à la célébrité tant que telle, et qui considérait justement que la célébrité était une forme d'art et que l'art servait, en tout cas pour lui, à devenir célèbre, marque une évolution dans l'art. Mais en tout cas, Nabila, a priori, n'est pas une égérie. Nabila est en quelque sorte le symptôme d'une époque. Vous vous souvenez probablement le jour où elle a été poignardée. J'étais à côté. Elle a poignardé. J'étais à côté de Laetitia Gaillet à l'époque. Et Laetitia Gaillet en a parlé. Et c'était amusant, puisque ce jour-là, eh bien, il y avait une conférence de presse de François Hollande. Et celle-ci a été complètement éclipsée par le coup de poignard de Nabila, qui était pour autant un fait n'ayant absolument pas existé, n'ayant aucune signification sociale. Et c'est ça, en fait, la célébrité, c'est être capable de retenir l'attention de tout un peuple, de toute une nation, à partir d'un fait complètement non significatif. Voilà, le phénomène sous l'œil de Guillaume Herner, c'est dans son livre « La souveraineté du people », publié chez Gallimard. On aura l'occasion d'en reparler, notamment avec le sujet sur Macaulay Culkin. Vous êtes sur France Inter, et il y a Guillaume Herner, jusqu'à 18h. I got the feeling, baby, I got the feeling. You don't know what you do to me. Leave my heart heavy down in misery. We'll be right back. d'avoir un accident de voiture. On pense à vous. C'est au cas où vous seriez un petit peu endormi, je crois qu'avec Jeune Tronc, c'est difficile. Vous êtes sur France Inter avec Guillaume Herner, qui publie La souveraineté du people chez Gallimard. N'est-ce pas? Nous sommes pas très péople, comme dirait Arnaud Montebourg, mais autour de cette table... Il y a du people quand même. Il y a Thomas VDB, il y a Guillaume Meurice et il y a Juliette Arnaud par ordre d'apparition. Et il y a de l'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Dans une interview accordée à l'Obs, Denis Baupin conteste avoir envoyé des SMS vulgaires et harceleurs. Il préfère parler de clin d'œil. Mais oui, il a envoyé des petits smileys. Bon, alors le smiley Jacques Facial, mais c'est un smiley comme un autre. Emmanuel Macron rattrapé par le fisc. Oui, manifestement, quand il est en marche, le fisc avance quand même plus vite qu'Emmanuel Macron. Et des brèves? Oui, toutes déclarées à l'ISF. Et commençons donc par cette interview exclusive accordée à l'Obs. Oui, Denis Baupin, il réfute tout harcèlement sexuel. Il parle plutôt d'une, je cite, « forme de libertinage correspondant à la culture des écologistes ». Fin de citation. Bien sûr, mais il y a une culture écologiste du sexe. Les Verts, par exemple, ne font pas l'hélicoptère avec leur bite, font l'éolienne avec leur bite et le bilan carbone est bien meilleur, évidemment. Il a aussi affirmé, je cite toujours, « je ne suis pas le DSK des Verts ». Voilà, quelle modestie. Donc passons à Anne Hidalgo, oui, la maire de Paris, qui annonce vouloir créer un camp humanitaire de réfugiés. Oui, et parmi les réactions politiques, celle du FN, Valérie Saint-Just, qui est pour, bien sûr. Vous êtes sûr? Oui, là, il est d'accord. Il veut juste rajouter des miradors à chaque coin, mais l'idée en soi... Passons à cette information surprenante. Oui. Emmanuel Macron paiera l'ISF suite à des vérifications menées par le fisc sur le patrimoine de son couple, un patrimoine un tout petit peu sous-évalué. Et d'autant plus consternant que l'action du ministère de l'économie est une action un petit peu surévaluée. En tout cas, il soupçonne un complot. Oui, bah tiens, il n'aime pas qu'on vérifie s'il ne gagne pas trop d'argent. C'est marrant, parce que lui, il aime quand même bien s'assurer que les gens ne gagnent pas trop d'argent, eux. Passons à cette déclaration du Dalai Lama. Il estime qu'il y a trop de réfugiés en Europe. Voilà. Voilà quoi. Voilà, le bouddhisme est une vraie religion. On y dit aussi pas mal de conneries. Voilà. Oui, enfin, résultat, Florian Philippot, le numéro 2 du Front National, a déclaré au sujet de l'accueil des migrants « Je suis un peu d'accord avec le Dalai Lama ». Tout à fait. D'ailleurs, s'il pouvait être complètement d'accord avec lui et s'exiler comme lui en Inde, eh ben, ça ferait des vacances à tout le monde. Attendez, vous voulez dire que le Dalai Lama, il est réfugié lui-même? Oui. Tout va bien. International, passons au Pakistan. Au Pakistan. Qu'est-ce qui se passe au Pakistan? Au Pakistan, on se dirige donc vers une loi autorisant les hommes à, ouvrez les guillemets, battre légèrement leur femme. Ah bon, légèrement. Oui, ça, si, ben ça vous parle, Juliette Arnaud. Et c'est le conseil de l'idéologie islamique qui a dévoilé un rapport qui explique qu'une femme peut être battue, notamment si elle parle trop fort. Autant vous dire que si Lara Fabian va au Pakistan, après une trompée. En revanche, Carla Bruni, oula, elle a bienvenue. Bienvenue là-bas. Télévision. Nicolas de Taverneau, le PDG de M6, juge que son salaire d'1,4 million d'euros n'est pas énorme. 1,4 millions. Mais ça reste quand même des chiffres beaucoup plus gros que les audiences de la plupart des émissions de la chaîne. Péople. Oui. Le site Glamour Fashion UK donne le salaire de la conseillère en stylisme de Kim Kardashian. Ah, ça vous parlez, ça. 650 000 euros par an. À l'opposé, nous avons la styliste de Guillaume Meurice qui refuse d'être payée. En échange, il promet de ne jamais la citer. Elle termine par des brèves. Bisous, maman. Des brèves charrantes. Il attaque son voisin à coup de machette, car ça y était mal taillé. C'est grave, Alex. Oui, mais ça relativise un peu le Rwanda, quoi. Finalement, c'était peut-être un gros conflit de voisinage. On ne sait pas. France, toujours Bretagne. Oui, Bretagne. Lannister, violent avec sa compagne, il met en cause son traitement contre la calvitie pour expliquer son geste. Non, ça, c'est tiré par les cheveux comme explication. C'est bon. Non, je vais vous lire l'article de West France. Au tribunal de Lorient, le représentant du parquet a rappelé qu'en garde à vue, l'homme avait mis son comportement sur le compte d'un traitement contre la calvitie et d'ajouter lui-même. L'alcool devait peut-être y être aussi pour quelque chose, morale, avec modération, hein, quand vous utilisez du pétrolane. Et le premier sujet avec Guillaume Herner, qui nous accompagne jusqu'à 18h. Eh bien, dans un mois et demi, Paris sera en mesure d'accueillir des réfugiés dans un camp aux normes, avec des habitations modulables, comme à Grande-Synthe par exemple. Et comme à Grande-Synthe, Anne Hidalgo n'a pas attendu une aide du gouvernement. Petit inconvénient. Le parisianisme, bien sûr, qui guette aussi le réfugié, il n'y a pas de raison. Non, ça c'est bien, c'est parfait. Mais je ne vais pas le prendre parce qu'on est quand même dans un camping. Donc ça sent la convivialité, l'hospitalité, le partage, tout ça. Donc je pense qu'au bout de 2 heures, on va m'inviter à prendre l'apéro, on va me coller une petite claque sur les fesses et puis on va m'appeler Coco. Et ça, je vais pas supporter. Connasse. Alors, un camp de réfugiés installé par la mairie, déjà dans un mois et demi, intramuros. C'est tout un symbole, Guillaume Erner. Oui, je pense aussi... que c'est ça, c'est tout un symbole. Et c'est ce qu'on appelle... Mais ça s'arrête là ? Non, je pense que c'est une pierre dans le jardin de l'Élysée. C'est-à-dire comme on ne peut pas dire que la France a été tout à fait en pointe dans l'accueil des réfugiés. On peut même dire qu'on a été lamentable, complètement à la traîne. On peut dire aussi qu'on a tout fait pour que les réfugiés n'aient absolument aucune envie de rester en France. Et à cet égard, on a complètement rempli les objectifs. Et donc, comme j'ai l'impression qu'Anne Hidalgo s'en est dévoilée des secrets industriel, j'ai l'impression que cette femme a envie de poursuivre sa carrière politique au-delà de la mairie de Paris, eh bien peut-être qu'elle a envie de donner des signaux à une certaine gauche qui s'estime peut-être quelque peu oubliée. La gauche, on va l'appeler comme ça. Alex Vizorek, je vous laisse juge, vous êtes étranger, vous avez le droit de vous exprimer. Vous voulez aller dans ce camp ? Alors, comme Non, parce que vous savez, les Belges peuvent y aller aussi, hein, comme on a du mal à faire rester des étrangers ici en France. C'est un commentaire qu'on peut lire aussi pas mal dans la presse, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite évidemment la lecture politique, stratégique, etc. Mais le fait d'accepter et de dire tant pis, l'État me suit ou me suit pas, mais je suis une collectivité locale, j'installe un camp de réfugiés, est-ce que c'est symbolique, d'accord, mais est-ce que ça peut aussi donner une impulsion, peut-être une... C'est ce qui a été fait d'abord à Grande-Synthe. Oui, bien sûr. Puisque Grande-Synthe a été... autrement plus symbolique. L'impulsion est pas plus forte. A été fait de manière... on va dire balbutiante. Ensuite, la question, c'est de réussir à trouver des gens qui veulent rester en France et pas seulement donc être en transit. C'est la raison pour laquelle à Grande-Synthe et à Calais, il y a un afflux de réfugiés et cet afflux de réfugiés manifestement ne cesse pas. Est-ce qu'on va trouver des gens qui veulent rester à Paris ? Ce qu'il faudrait ensuite, ce serait vider en quelque sorte le camp de réfugiés pour que ces gens-là restent en France. Pour l'instant, ils sont dans des bidonvilles, les gens sont là. Il n'est effectivement pas un but. Maintenant, l'atmosphère, comme vous avez pu le voir à certains égards en France, est quand même extrêmement... Ça va mieux, non ? Alors, ça va mieux, mais du point de vue économique. Du point de vue sociologique, on ne peut pas dire que ça aille mieux. Et du point de vue du rapport à l'autre, du point de vue de l'accueil de l'autre, dans ces conditions, bien, si on s'en tient à des mesures symboliques, on pourra dire que c'est insatisfaisant et même très insuffisant. Par conséquent, on doit être, à mon avis, d'un optimisme mesuré à cet égard. Guillaume Erner, vous vous présentez chaque matin à la matinale de France Culture. La semaine dernière, il y a 700 réfugiés qui sont morts, dont 40 enfants en provenance de Libye. Entre le costume de Macron, l'ouverture pluvieuse de Roland Garros, etc. Comment est-ce qu'on gère ce genre de choses ? Comment est-ce qu'on soupèse l'information ? Comment est-ce qu'on la relaye entre le futile et le... Le pire, c'est qu'en fait, ces drames liés donc migrants sont des drames qui ne cessent de jalonner l'actualité, vous l'entendez chaque jour. C'est devenu une sorte de bruit de fond. Et donc le problème, c'est de réussir à faire en sorte que ce bruit de fond ne soit pas un bruit de fond, qu'il soit en fait la prise de conscience du drame humanitaire qui est en train de se nouer, d'un drame humanitaire qui est en train de se nouer en Syrie. Donc c'est très ancien et on voit que les solutions sont complexes. En Libye, on voit qu'il y a également exactement la même situation qui est en train de se produire. Je comprends pas du tout, par exemple, pourquoi la communauté internationale ne vient pas en aide à la Tunisie. La Tunisie est l'une des seules démocraties de la région. C'est une démocratie qui est extrêmement fragilisée par sa proximité avec la Libye. C'est une démocratie qui vit essentiellement du tourisme et les touristes ont complètement déserté la Tunisie. Je parle des touristes européens. Mais donc, pour éviter la répétition, l'oubli et la normalisation, on cherche des angles différents, on cherche à en parler régulièrement de manière différente, on essaie de prendre la hauteur. On joue notre rôle, mais si vous voulez, le problème, c'est que il faut injecter des doses de plus en plus massives d'émotions pour que, effectivement, les informations relatives aux migrants et aux drames qui sont liés, donc, notamment à leur traversée de la Méditerranée, parviennent jusqu'aux oreilles occidentales. Et frappent nos esprits. Guillaume Erner est avec nous jusqu'à 18h. Et autour de cette table, il y a aussi Thomas VDB. Attention, oui. Il est là. C'est bien moi. C'est bien moi, Thomas VDB. Alors, comme je vous le disais, moi, cette semaine, j'étais très marqué par En Marche, qui est le mouvement lancé par Emmanuel Macron, Manu Macron. Et j'ai su dès que j'ai vu ça, j'ai su que je devais en parler. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc sur Macron. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire sur Macron ? Je dis, voilà, je vais faire Macronique. Ah, Allez, on est prêts, en marche. C'est l'actualisique, c'est un mélange musique et d'actualité. C'est l'actualisique, ça use les souliers. Voilà, parce qu'avec En Marche, Manu Macron va lancer, comme il le dit lui-même, un mouvement politique nouveau. Voilà, il s'est réveillé un matin et pendant le café, il a dit à sa femme, mais attends, je me suis acheté une paire de patogas l'été dernier, j'adore la rando, j'aime parler au pif sans réfléchir à ce que je dis, mais je vais lancer un mouvement politique nouveau. Et sa femme lui dit, mais pourquoi tu vas t'emmerder avec ça sur les bras, t'es déjà ministre, comme si c'était pas déjà assez de boulot. Il dit, oui, mais ça fera une ligne de plus sur mon CV. Donc ça y est, Emmanuel Macron est en marche, il lance son club de rando. Alors, ce qui serait bien, je me disais, c'est peut-être pour reconnaître les membres du club, ce serait de faire peut-être pas, non pas des t-shirts avec le logo du club, parce qu'on sait que bon, les t-shirts, ça peut faire un peu peur, mais peut-être plutôt des costumes avec un logo à l'effigie du club. En tout cas, félicitations à Emmanuel Macron d'avoir eu l'idée d'appeler son mouvement En Marche. Ça, c'est vraiment une des meilleures idées qu'il a eues. C'est vrai qu'en ce moment, il n'aurait pas pu appeler ça En Voiture, ou bien En Train, En Avion. Hein, ça n'aurait pas pu. Il aurait pu profiter de la crue, peut-être, et appeler ça En Bateau. Voilà. En tout cas, il a bien choisi son nom, mais il a mal choisi la période. Je crois qu'on compte déjà 38 angines dans les rangs d'Emmanuel Macron. Donc l'idée de En Marche, c'est d'aller sonner chez les gens un petit peu partout en France et de demander aux gens quelles sont leurs idées pour relancer la France. C'est un peu comme les témoins de Jéhovah, sauf que quand les témoins de Jéhovah ils sonnent chez toi, c'est pas à toi de faire le boulot, allez, d'amener les idées. Ils disent pas, les gars, ils arrivent pas en disant, est-ce que vous avez des idées sur comment on pourrait peut-être témoigner de Jéhovah, parce qu'on n'a pas spécialement l'idée. Donc je suis allé sur le site internet de En Marche. Il faut le voir pour le croire, parce que quand on arrive sur le site, évidemment, il y a la vidéo, on peut regarder, bon, alors j'aimerais dire fête de lancement, mais c'est plutôt le pot de lancement de En Marche. Et après, il y a des choix. Alors, ce que je raconte est vrai, j'invite tous les auditeurs à vérifier par eux-mêmes. Vous pouvez cliquer sur soit premier choix, je marche, donc j'adhère au mouvement, ou deuxième choix, je reste assis sans rien faire. Et là, je me dis, c'est chouette qu'il ait aussi pensé à une option pour des gens comme moi quand il a créé son mouvement. Donc, je me dis, il y a de la place pour moi dans ce projet. J'ai un très bon canapé à la maison. Donc, je clique sur je reste assis sans rien faire. Et là, il y a juste écrit sur l'écran l'argument massue. Saviez-vous qu'il y a 2 années d'écart d'espérance de vie entre les habitants de Sevran et de Gy-sur-Uvette qui sont pourtant sur la même ligne B du RER? Je suis là, ok, super Manu. Quel rapport? Peut-être, je sais pas, qu'il y a un serial killer sur les voies. Peut-être il tue que les gens de Gy-sur-Uvette. Mais je sais pas, c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est aux gens qui sont de l'RER plutôt. Et là, il me dit, alors, deuxième choix, je marche ou je regarde les autres marcher? Et comme j'ai vraiment envie de voir comment il va faire pour essayer de me convaincre, donc je clique sur je regarde les autres marcher. Et là, il me sort l'argument massue de ma mère quand je voulais pas finir un plat. Il dit, saviez-vous qu'en France, il y a au moins 30 000 enfants qui sont sans domicile fixe? Mais un peu sous-entendu quand même. Alors, tu vas continuer de rester assis sans rien faire, espèce de gros con? Alors, on sent qu'il a quand même envie de me dire ça. Alors, excusez-moi, moi je veux bien aller marcher avec Emmanuel Macron, mais je voudrais préciser une chose, c'est qu'on est quand même, lui et moi, de la même année. On est de 1977, sauf que moi je suis du début de l'année et lui de la fin de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'étais en 4e, il était en 5e. Alors, je m'imagine comme ça sous le préau à l'école, et il y a un gars qui arrive, qui est délégué de 5e, il dit, ouais, salut, je suis délégué de 5e. Et à la pause de midi, on va ramasser tous les papiers dans la cour. Je dis, mais que tu dis? Que tu vas faire? Parce que moi, je dis un truc, déjà, tu me fais pas peur avec ta cagoule. Et moi, je vais rester assis sans rien faire. Je vais te regarder. Bon, alors, en tout cas, Manu, on va pas être salaud. Viens sonner à la maison. Je saurai t'accueillir comme il se doit. Thomas VDB, merci. I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost everything I had. But I'm not angry and I'm not mad. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. Wanuka, Black Men in a White World. Juliette Arnault l'a compris autrement. Oui, moi j'entendais Black Man in a White Widow. Et widow et ça me donnait signifie veuve. Donc voilà, un homme noir dans une veuve blanche. Et je me disais, quelle jolie perspective. Voilà. Mickaël Kiwanuka, c'est la playlist France Inter. Programmation musicale, Djoubaka. Nous sommes ensemble avec Guillaume Erner, qui publie La souveraineté du people chez Gallimard. Guillaume Erner, tout va bien? Oui, c'est ma voisine qui est en train de s'étrangler. Mais non, c'est l'air encore de respirer. Eh bien, respirez pendant la chronique de Guillaume Meurice. C'est le moment, Meurice. Oui, je vais vous parler d'argent public aujourd'hui. Alors, l'argent public, c'est ce qu'on gagne, nous, hein, en faisant des blagues dans la radio. Par exemple, quand Juliette dit à l'antenne... Moi, je attends, j'ai pas dit encore, Juliette. Quand vous dites, quand je regarde VDB, je me dis qu'il y a un blocage des raffineries de shampoing. Merci, bisous, merci. Hein, voilà. Et ben ça, c'est pas de la méchanceté gratuite, c'est de la méchanceté payée par l'argent public. C'est compris, ça, ou pas? Bon. Très bien. Alors, l'argent public, ça peut aussi servir pour le budget alloué aux communes de France. Budget qui a d'ailleurs lourdement chuté ces dernières années. Donc je suis retourné au congrès des maires, mais cette fois-ci du côté des entreprises, puisqu'elles sont là pour vendre leurs produits aux communes. Alors je suis allé voir les entreprises cotées en bourse avec une question toute bête. Si ces entreprises baissaient les dividendes qu'elles versent à leurs actionnaires, est-ce que ça leur permettrait pas de vendre des produits moins chers à ces communes? Voilà, ça c'est logique. Alors par exemple, de l'informatique, allons voir le groupe Canon. Je sais pas, là ça me dépasse un petit peu moi tout ça. Bah si, c'est de la logique économique. C'est de la logique économique. Mais non, mais elle est bien mon idée, non? Bah ouais, non. Est-ce que vous êtes actionnaire de chez Canon? Non, je suis pas actionnaire de chez Canon. Ah, donc vous allez être d'accord avec moi? Et vous faites une interview pour quelle émission là? Ah mais ouais, mais c'est vous Ah ouais, non, moi je veux pas passer dans votre truc. Et c'est trop tard. C'est vous, Alex Vizorek? Alors non, je vais vous dire, ça me pose pas mal de problèmes. Alors, pas d'être confondu avec vous, Alex, ça c'est plutôt flatteur, puis ça me permet d'avoir une vie sexuelle décente. Mais c'est vrai que ça m'a posé pas mal de problèmes ce matin, d'être tout de même reconnu et assimilé à notre émission. Par exemple, je suis allé voir sur le stand de Citeos, c'est une filiale de Vinci. Et Vinci, j'ai fait une chronique sur eux il y a quelques semaines. Donc bon, je vais vous dire que la directrice de com me suivait de très très près. Mais j'ai quand même pu poser ma fameuse question, donc sur la baisse des dividendes, au patron de Citeos. Alors, moi, sur ce type de question, enfin, c'est... Alors là, la directrice de com vous dit de ne pas répondre à la question. Non, mais aujourd'hui, je ne suis pas à même de parler de Vinci. Moi, mon rayon d'action, c'est Citeos. Mais vous appartenez à Vinci. Oui, mais je ne suis pas décideur sur ces éléments-là. Et puis, non, mais là, c'était votre avis qui m'intéressait. Oui, ça n'a rien à voir avec le sujet. Non, je ne vois pas le lien du tout avec les problématiques de budget des collectivités. Mais si on donne moins aux actionnaires, ça permet comme ça de baisser les prix de vente. Je, honnêtement, je vois pas le lien. Oh bah alors ça c'est con quand même, parce que moi je le vois bien le lien, quoi. On donne moins aux rentiers qui gagnent de l'argent sans rien foutre, et on permet à la collectivité, hein, c'est-à-dire nous tous, d'acheter moins cher. C'est un principe de vase communicant tout bête. Et c'est d'ailleurs les seuls communicants que je trouve sympathiques, parce qu'ils m'ont pas mal compliqué la tâche ce matin. Alors j'ai pu quand même poser ma question chez Orange. Qu'est-ce qu'ils pensent de ma proposition? Oui, c'est une très bonne question que vous diriez réservée à certains de nos concurrents, parce que nous il y a quand même une grosse partie des dividendes qui vont déjà vers le personnel, vers l'investissement et bien sûr un petit peu vers les actionnaires. Mais ah ben voilà, c'est celui-là qu'il faut baisser. En proportion, je pense qu'on n'en donne pas trop de ce côté-là. Les autres, c'est pire? Allez voir. Ah, alors ça, c'est une autre forme de réponse. La fameuse technique du « Ok, je fais de la merde, mais je vous raconte pas, le voisin, il fait pire ». Alors, une technique très française, hein, qui date de la fameuse époque. « Oui, je n'ai pas respecté le couvre-feu, mais j'ai entendu parler yiddish chez les voisins du Bézière ». Mais ceci dit, allons quand même voir la concurrence. Par exemple, Bouygues, et posons donc la même question. Je ne répondrai pas à cette question, je ne suis pas du tout habilitée et je n'aurai pas du tout de réponse à vous donner, malheureusement. Je ne suis pas la bonne personne pour ça. Mais vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée? Je n'ai pas d'opinion sur ce sujet. Moi, je suis sûr que vous en avez une. Non, du tout. Moi, je fais ça pour aider, hein. Ah oui, vous pouvez faire ça pour aider, mais effectivement, je ne peux pas du tout... je n'ai pas de... possibilité de vous répondre puisque je n'ai pas du tout la réponse à cette question en fait. Ça c'est dommage parce qu'il faut pas un master en économie pour comprendre quand même. Je suis sûr que même un mec nul en économie genre Alain Minc, il aurait pigé. Hein, Alain Minc, alors je rappelle, hein, c'est celui qui en 2008 a dit la crise est derrière nous. Ah, donc voilà. Donc s'il était médecin, c'est un mec qui aurait dit à David Bowie, ça va aller, c'est juste un petit rhume, mon petit bonhomme. Et ben même Alain Minc, il aurait la réponse à ma question. Bon, alors allons voir le porte-parole du groupe de supermarché Système U. Nous développons aujourd'hui un partenariat avec le groupe Auchan. Ah, voilà. Alors vous allez avoir un partenaire qui ne paye pas trop ses impôts en France, ça vous dérange pas ça? Alors le point commun, je dirais, c'est la structure familiale entre Système U et Auchan. Système U, ce sont que des familles et des associés familiaux. Oui, mais vous avez vu que vous ne répondez pas à ma question là. Absolument. Voilà, alors ça c'est une autre technique qui consiste à dire je m'en fous, je réponds ce que je veux et j'assume. C'était compliqué hein, pour moi. Je comprends pourquoi BFM TV, ils préfèrent parler de la pluie qui mouille pendant 12 heures ou qui font semblant de confondre Eric Cantona avec un intellectuel. C'est quand même moins fatigant de faire ça. Alors terminons avec l'entreprise Direct Energy. Et toujours, hein, toujours cette même question. C'est une bonne question et je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui Direct Energy est une entreprise pérenne et saine, c'est parce que justement tout le monde est content. Les collectivités territoriales pourraient être encore plus contentes si vous baissez les prix. Alors les prix aujourd'hui sont suffisamment bas. Et est-ce que vous pouvez être encore moins cher? Moins cher que qui? Moins cher que les autres et encore moins cher que ce que vous êtes actuellement. Ce serait indécent. Et non, madame. Hein, ce qui serait indécent, ce serait de continuer encore longtemps à laisser les actionnaires se faire du pognon sur le dos des citoyens, laisser le secteur privé se gaver sur le dos des marchés publics. Merci, Guillaume Meurice. Guillaume Erner est avec nous. Il n'y a aucun qui vous répond. Non. On est le privé et on met le prix qu'on veut. C'est ça la réponse. Ben oui. C'est vrai, les gens sont gentils. J'ai l'impression qu'ils en sont tous très gênés. Il n'y a aucun qui vous dit effectivement que votre question est nulle, que vous devriez effectivement en avoir honte, qu'ils sont là pour maximiser le profit de l'actionnaire. Les gens sont extrêmement bons. Ils ne sont pas décomplexés, ceux-là. Non, c'est-à-dire qu'ils n'assument pas des masses. C'est ça. Ils ne sont pas encore, effectivement, formés. Ils ne sont pas assez décomplexés. Voilà. Ouais, mais peut-être que ça viendra. Voilà. On espère. Guillaume Erner est avec nous jusqu'à 18h. On va parler d'un sujet qui a trait au thème de votre ouvrage sur la souveraineté du people, publié chez Gallimard. Les Un Rock ont retrouvé Macaulay Culkin, le gamin qui avait raté l'avion. Il a aujourd'hui 35 ans. Et ça va mieux. Ça va mieux parce que après la drogue, l'alcool et la dépression, on a retrouvé celui qui a pris sa retraite à 14 ans. Je vous rappelle qu'on avait complètement perdu sa trace. Hein. Ah ben, il est là. Où t'étais alors? Où t'étais? J'étais à l'école. Hein? Alors? Bah oui, mais alors? Nous. L'autre fois, un jeune, il traverse, bon, il fait pas un jeune, bon, un camion qui part, hop, voilà, il m'a écrasé. Pour nous, t'étais mort. Les chiens. Ça passe très très bien à la radio, les deux chiens. Pour nous, t'étais mort. Ce sujet sur Macaulay Culkin qu'on peut retrouver dans Les Un Rock, eh bien Macaulay Culkin explique aujourd'hui « Les gens me verront toujours comme un enfant de 10 ans ». Et il ajoute « J'ai un effet étrange sur les gens, j'ai le pouvoir de les rendre vieux ». C'est-à-dire quand on lui demande « Ah, t'as quel âge, Macaulay ?» 35 ans, ouf, voilà. Ça, c'est vraiment un cas d'école dans la souveraineté du people. Oui, cet article d'ailleurs est un cas d'école. Donc c'est une interview, comme vous l'avez dit, de Macaulay Culkin. Et le journaliste lui dit « Mais on avait perdu votre trace dans les médias ». Et en fait, on comprend dans la réponse qu'on avait perdu sa trace, mais il n'a rien fait. Donc ça fait 20 ans, d'abord il a pris l'avion, ensuite il a pris de la drogue. Moi j'ai beaucoup de respect pour... Je regrette, mais dans la probablement les deux en même temps d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup de respect pour les drogués, pour les gens qui prennent l'avion, parce que ces gens-là nous écoutent et il faut être gentil avec eux. Et ils sont peut-être même autour de cette table. Je parle de l'une des deux catégories que nous venons d'évoquer. Ils nous écoutent peut-être avec une ouïe particulièrement développée pour la drogue. Mais en tout cas, ce garçon est effectivement quelqu'un qui a été célèbre, qui ne l'est pratiquement plus, puisqu'il faut quand même un certain nombre d'efforts importants. Et dont la déchéance, dans la déchéance l'a fait réémerger, parce qu'il y a un paparazzi qui l'a photographié il y a quelques années, en 2013, absolument fantomatique dans les rues de New York. Et donc, finalement, la déchéance de l'image, etc., le plus fond du fond, l'a fait revenir au devant de la scène. Et c'est l'un des thèmes de la presse People, ce sont les contes moraux. C'est-à-dire l'idée que finalement, au travers donc de ces aventures, de Nabila, de Loana, de Macaulay Culkin, qui finalement partagent une même catégorie, et cette catégorie, c'est celle d'être trop célèbre trop tôt. Et donc le fait que vous allez le payer, et vous allez le payer parce qu'on va suivre votre déchéance, et pour Loana, ça fait très très très longtemps qu'on la suit, pour Macaulay Culkin finalement c'est son seul intérêt, et c'est la seule chose, le reste c'est en quelque sorte de la perversité et de la cruauté, ce très long papier, puisque finalement il ne raconte effectivement que sa déchéance. Et c'est l'idée que la célébrité est finalement aujourd'hui une valeur tellement désirable, que si vous l'obtenez, eh bien vous allez vous brûler les ailes, parce que celle-ci va vous consumer comme s'il y avait en quelque sorte une justice divine qui faisait en sorte que vous allez payer la facture. Et c'est finalement la seule chose qui prédomine dans ce papier. Mmh. Juliette Arnaud, vous êtes penchée sur l'ouvrage de Guillaume Herner, La souveraineté du people. Donc on poursuit le propos avec vous, Juliette. Alors voilà, c'est une conversation que j'ai eue 1000 fois avec ma grand-mère. Elle est en train de regarder la télé, elle se retourne vers moi et d'un ton assez venimeux me dit « Qui est cette Kim Kardashian ?» Ça fonctionne aussi avec Paris Hilton. Moi, je pressens les ennuis venir et je lui réponds « Écoute, mamie, c'est une fille célèbre. » Ça fonctionne aussi avec Paris Hilton. Ton sarcastique de mon aïeul, merci, j'avais bien saisi vu qu'ils en parlent à la télé. Célèbre pourquoi ? Là, ça y est, les ennuis sont là. Alors voilà, mamie, en fait, c'est grâce à une sextape. Fonctionne aussi, au risque de me répéter, avec Paris Hilton. Je vous épargne l'explication du concept de sextape à ma grand-mère. Vraiment très chouette moment d'union familiale. En gros, ça fait « bon bah tu vois papy, bon bah tu vois quand il était vivant, bon bah tu vois quand tu couchais avec lui ». Eh ben imagine, vous avez une caméra Super 8, imagine vous montrez ça au club de bridge. Mais ce qui est quand même un moment de sociologie, parce que pour expliquer ça... Je l'ai fait, je vous le raconte. Moi, possédée tout à coup par une envie de mourir très forte. Alors mamie, alors ma grand-mère me fait, elle est donc devenue célèbre parce qu'elle est victime de ça. Là, j'ai envie de mourir et je lui dis, alors c'est pas si simple parce qu'en fait, on suppose que c'est elle-même qui l'a mise sur Internet à dessein d'obtenir la célébrité. Fonctionne aussi avec Paris Hilton. Que Valbena, non, hein, alors ma grand-mère, non, parce que c'est un non, homme. Tu plaisantes, j'espère. Non, mamie, je ne plaisante pas. En revanche, ce que je vais faire, c'est me servir un verre de rosé, bien qu'il soit 4h de l'après-midi. Merci, bisous, merci. Mais ça, c'était avant d'avoir lu l'essai de Guillaume Herner, La souveraineté du people. À présent, j'objecterai à ma grand-mère, à ma mère, à mes tantes, ce livre en leur disant « Oui, je sais, vous comprenez rien à ce monde dont vous dites qu'il est le mien, lisez ce livre et vous pigerez le truc. » Quel truc ? Eh bien déjà que mon monde, il n'arrive pas de nulle part. Mon monde, ce n'est pas une génération spontanée. Il procède de l'avènement de la société marchande, puis des salons mondains du 19e, d'Hollywood, qui invente le concept de star pour faire plus d'argent, ça c'est pour toi mamie, des années 60 avec le concept de jeunesse toute puissante, y compris dans sa consommation, ça c'est pour toi maman. Et enfin, l'ultime étape, la mienne donc, Internet. Dans mon monde, mamie, les people sont devenus le pouvoir qui l'emporte sur tous les autres. Mais d'ailleurs, quels autres pouvoirs ? Les religions chez nous ont fait faillite, les modèles des anciens nous ont clairement fatigués, le politique aussi. Et puis les politiques, ils sont devenus des people. Ah si, démonstration en 4 briques, hein, comme dans le jeu télé. Si tu reviens, j'annule tout, car là c'est du sérieux, le scooter rue du cirque, et bien sûr, merci pour ce moment, bim, j'ai gagné. Donc les politiques sont devenus des people, tandis que les people s'occupent de politique. Et là je vous cite Guillaume Herner. La géopolitique n'est pas évidemment un problème plus simple que l'économie. La vraie question politique n'est pas de savoir si Georges Clooney a profité du Darfour pour sa propre promotion, mais de déterminer si cette région a profité de son action. Un problème demeure, non pas le bien qu'un people puisse se faire en soutenant une cause, mais le mal qu'il peut causer à cette cause. Vous citez Montesquieu. Personne n'aime être compté pour rien dans la société. C'est encore plus vrai maintenant, emporté que nous sommes par une vague sans précédent de narcissisme et de solitude. Et puis qu'est-ce que tu veux, mamie ? C'est plus facile de s'imaginer célèbre pour n'avoir rien fait de particulièrement talentueux ou compliqué que de s'imaginer prix Nobel d'économie. Parce que oui, on veut absolument compter pour quelque chose. Et là, je revois Al Pacino dans un film qui s'appelle L'associé du diable. Alors c'est la fin du film, c'est la dernière réplique. Il fait ce truc qui est archi interdit au cinéma. Tout à coup, il regarde la caméra. Donc il nous regarde, nous, clairement, dans les yeux. Et il dit « La vanité, définitivement, mon péché préféré ». Puis il éclate de rire. Et vous savez qui joue Al Pacino dans ce film ? Non. Le diable. Juliette Arnaud, une lecture de l'ouvrage de Guillaume Herner sur la souveraineté du people. Merci Juliette. Publié chez Gallimard. Et donc pour expliquer le people à vos mamies, procurez-vous la souveraineté, l'ouvrage de Guillaume Herner. Guillaume, avec vous, le troisième sujet. Le canular existe dans le milieu des penseurs. Il est finement élaboré. Il consiste à publier un pastiche dans une revue dirigée par l'un de ses grands intellectuels, bien sûr, sans que celui-ci ne s'en rende compte. Et parfois, il arrive même que le pastiche soit meilleur que l'original, exemple. Vous n'avez pas lu Kafka ? Oh là là là là là. Vous n'avez pas lu Kafka ? Oh là là là là là. Vous n'avez pas lu Kafka ? Oh là là là là là. Je me donne un mal de chien, mais je ne comprends pas tout. Je me donne un mal de chien. Elle s'appelle Suzanne Gabriello. Vous n'avez pas lu Kafka ? Et je dois dire que j'ai découvert ce titre hier en écoutant FIP, donc on fait un salut à nos collègues de FIP et à France Culture aussi, puisqu'on est avec Guillaume Erner. Guillaume Erner, journaliste et sociologue. Alors, je m'adresse à vous avec ces deux casquettes. Le canular, le pastiche, la satire, ils peuvent donc trouver leur place dans les grands débats prétendument hautement intellectuels. Ou alors vous pensez que ça tire les choses vers le bas? Ça ne les tire pas du tout. Au contraire, le problème, c'est que ça a une puissance de dévoilement importante, puisque ça montre l'idée, donc le principe est toujours identique, il a été fait malheureusement à plusieurs reprises, ça consiste à fourguer un papier complètement délirant à une revue qui le passe sans comprendre que le papier est délirant. En mimant bien sûr le langage, etc. Le jargon en vogue dans la dite revue, ce qui veut dire qu'ou bien que les papiers sont pas lus, ou bien que les gens sont habitués à ne pas comprendre ce qu'ils lisent. Ce qui veut dire que finalement, il y a une partie des sciences humaines qui repose uniquement sur un vocabulaire, c'est un vocabulaire qui n'est que du lexique, puisque lorsqu'on conjugue les verbes et lorsqu'on met les mots les uns à côté des autres, c'est normal, personne ne s'étonne de ne rien y comprendre. Et pour moi, ça explique une partie de la crise des sciences humaines qui, au lieu d'essayer d'expliquer, de comprendre le monde dans lequel on vit, fuit dans des problèmes qui sont parfois importants, parfois pas importants, mais en tout cas, dans tous les cas, qui n'apportent aucune intelligibilité au monde dans lequel on vit. Et puis poussé aussi par le grand appétit qu'ont les médias d'inviter tous ces grands intellectuels et de leur donner un temps qui est parfois un peu réduit et réduire la pensée un peu à l'emporte-pièce peut-être. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, le fait que finalement on s'est habitué à ne pas comprendre ce que ces gens disaient, oui. Puisque donc Badiou a produit par exemple un bouquin compréhensible sur Sarkozy, le reste est quand même extrêmement difficile d'accès. Alain Badiou s'est fait avoir avec sa revue, justement. Et donc, Maffezoli est extrêmement facile à singer. Lui, c'est un sociologue qui a pris plutôt le parti de Nicolas Sarkozy et on lui a proposé un article complètement délirant sur l'autolib et sa revue l'a passé. Donc dans tous ces cas, ça veut dire que, si vous voulez, on a un signe d'épuisement très net des sciences humaines qui ne sont plus là pour parler à personne, y compris, encore une fois, aux gens qui sont censés les lire, ce qui est finalement le pire. Alors on raconte quand même dans le milieu que lorsque L'être et le néant de Sartre a été publié, la première fois, il y avait un cahier qui était reproduit en double. Mmh. Ce qui fait que le bouquin comportait 80 pages qui étaient en réalité deux fois 40 pages identiques et que personne ne s'est plaint. C'est ce que dit la légende et donc que Sartre n'aurait pas été lu par ses premiers lecteurs, probablement parce que le bouquin était considéré comme trop obscur. Il ne faut pas s'habituer à l'obscurité. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, il ne faut pas considérer que cette chose-là est profonde. Oui. D'ailleurs, ceux qui font ce genre de pastiche expliquent dans une tribune dans Libération que la satire, dans ce cas-là, c'est une sorte de pied de biche à utiliser pour fracturer des coffres-forts spéculatifs. Donc quand ces intellectuels sont dans la spéculation plutôt que dans le fond et l'analyse. Et contrario, sauf que le coffre-fort est vide. Oui, parfois c'est vrai. Mais je vous renvoie à cet article de Libération, alors, si vous voulez approfondir le sujet. Il est vraiment passionnant et très, très intéressant. Alex Vizorek, une nouvelle casquette pour Guillaume Erner. Oui, en fin d'émission, on propose toujours un sketch à l'invité qu'il découvre. Il arrive vers vous. Je vous donne le rôle de Nabila. On le découvre aussi. Hein. J'avais envie. C'est gentil. Et vous êtes l'invité littéraire d'une émission que nous présenterons, Charline et moi, dans quelques années, je pense. Guillaume Meurice est un autre écrivain qui interviendra. Bonjour Alex, bonjour à tous et bienvenue dans J'écoute, donc je suis, notre rendez-vous littéraire du mercredi. Oui Charline, nous nous retrouverons tous les mercredis de 2h à 3h du matin et cette belle quiétude nous permet de recevoir des invités formidables. À commencer par Nabila. Vous voulez dire quelque chose peut-être déjà? Oui, je voulais dire que vous n'avez pas fini la phrase en fait, vous avez dit j'écoute donc je suis, mais je suis quoi? Ah. Oui. Et également, avec nous à ses côtés, Guillaume Erner. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est intéressant ce que dit Nabila, parce qu'au fond, la question qu'elle pose, c'est qui sommes-nous? quand oui. nous existons, que dans la sphère médiatique, je veux dire. Hein, oui. Oh là là, lui, ça chauffe à mort dans sa tête. Merci madame, merci. J'ai jamais dit ça, hein. Alors je m'en suis pas rendu compte. Non, probablement, car rappelons nous de Rimbaud, hein, quand il écrit « Je est un autre ». Mais n'importe quoi, déjà on dit « Je suis un autre ». Le bolos. Ce serait très bel échange dans cette émission déjà. Oui, justement, oui. justement vous, Nabila, vous êtes sortie de l'image de cette fille écervelée. Par exemple, vous avez écrit un livre qui s'est très bien vendu. Bah, tu m'étonnes, John. Et c'était pas gagné, hein, vu qu'on n'était pas sûr à 100% que tous les fans de Nabila savaient lire. Guillaume Erner, vous qui travaillez à France Q. France Q, c'est rigolo, vous cherchez pas du monde Non mais allô quoi, tu travailles sur France Q et t'as pas de string? Non, mais justement il s'agit de France Culture, oui, voilà, exactement. Ah, oui. Du coup là je retire ma candidature. Guillaume Erner, quel effet est-ce que ça vous fait d'être en face de Nabila? Déjà il est pas en face, il est à côté. Oui, elle a raison, sa précision l'honore. Hein. Écoutez, c'est très intéressant, même si je me sens un petit peu comme une poule qui aurait trouvé un couteau. C'est ça, et la poule ça serait moi bien sûr, c'est ça. Non, oh là là, je ne crois pas que Guillaume cherchait le débat. Il va se calmer, il sait pas qui je suis. Moi j'ai travaillé avec Hanouna, monsieur. Oui. Vous avez travaillé avec Hanouna, vous, monsieur Werner? Non, ça s'est pas passé comme ça. Enfin, j'ai raté le casting. Ah bon, comment ça se fait ça? C'est... Je me suis mis à parler de Kierkegaard. Ouais. Le nul, Werner est un nul. Non, c'est pas Werner, c'est Erner. Werner, j'aurais aimé, ça m'aurait rappelé Goethe. Mais Il parle de qui, Goethe? C'est dans les ch'tis à Baden-Baden. Voilà, je pense qu'on a fait une très très belle émission. Merci, Jeanne, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi entre 2h et 3h. Voilà. J'écoute donc, je suis. Mais je suis qui? Oui. Merci. Et nos invités seront Michel Houellebecq. Et Philippe Candeloro, une autre belle rencontre. On a déjà un concept pour l'année prochaine. Les beaux duos, les duos. Merci les amis, merci beaucoup Guillaume Erner. Merci beaucoup. Qu'on retrouve évidemment demain dès 7h. 6h30. 6h30 même. Vous ratez la première demi-heure, Charline. C'est vrai, je suis en route vers Radio France à cette heure-là. Sur France Culture et la souveraineté du people chez Gallimard. Merci et voici le mot de la fin aux réfugiés dans le campement qui s'ouvrira bientôt à Paris. Ça sent la convivialité, l'hospitalité, le partage, tout ça. Donc je pense qu'au bout de 2 heures, on va m'inviter à prendre l'apéro, on va me coller une petite claque sur les fesses et puis on va m'appeler Coco. Et ça, je vais pas supporter.